bizarre. Joule comme un raclon sans m'y perdre. Coffre chargé comme Boula Kelly Jay. J'ai du papier à ramasser. Pas trop chicha, rejoins deux moulas dans mon bec. Que des kistas, viscères criant en bas du bec. Oh, j'ai cramé l'équipe de la DEP. Mais j'fais le sale boulot, armé d'un 9 mm. Elle me dit que j'ai plus le temps pour elle, j'suis tout le temps avec les potos. Laisse le quartier, bébé, ça peut te rendre loco. La boîte Godoy s'en fout du dernier, ça que j'ai coco. Ah, elle doit faire de l'oseille, Maria. J'suis dans le texte, entouré de béto, cocaïna. On encaisse 7 jours sur 7 fucking villa. Bébé, ça peut te rendre loco. La boîte Godoy s'en fout du Darnel, ça que coco. Ah, je